À l'occasion de la Journée du Soleil et du 85e anniversaire de la fondation de l'Héroïque Armée Populaire de Corée, la maison d'édition format Anacodeka Russie a fait paraître en brochure l'œuvre classique du président Kim Il-sung, défendant efficacement notre œuvre révolutionnaire par la force armée. Par ailleurs, à l'occasion de la Journée du Soleil, la maison d'édition Enfer de l'Espagne a fait paraître en brochure l'œuvre classique du président Kim Il-sung, programme en 10 points pour la grande union de toute la nation en faveur de la réunification du pays. Et l'homme page d'internet russe Irkutsk blog Spot.ru a présenté l'œuvre du président sur les trois principes de la réunification de la patrie.